connais. Tu es très belle, tu es comme une femme. Allez, je te connais. Tu es très douce, mais sans cœur et sans âme. On croit trouver le ciel en toi. Dans leur douleur, t'ont choisi pour maîtresse. Je sais combien d'amour avant le mien. Oh,